Un matin, 3 semaines après leur entrevue, M. d'Ambroise lui écrivit qu'il attendait le jour même dans 1 heure. En route, l'idée des Arnoux l'assaillit de nouveau. Et ne découvrant point de raison à leur conduite, il fut pris par une angoisse, un pressentiment funèbre. Pour s'en débarrasser, il appela un cabriolet et se fit conduire rue Paradis. Arnoux était en voyage. « Et madame ?»« À la campagne, à la fabrique. »« Quand revient monsieur ?»« Demain, sans faute. » Il la trouverait seule. C'était le moment. Quelque chose d'impérieux criait dans sa conscience. « Vas-y donc !» Mais, monsieur d'Ambreuse, « Eh bien, tant pis. Je dirais que j'étais malade. » Il courut à la gare, puis dans le wagon. « J'ai eu tort, peut-être. »« Ah, bah, qu'importe. » À droite et à gauche, des plaines vertes s'étendaient. Le convoi roulait. Les maisonnettes des stations glissaient comme les décors, et la fumée de la locomotive versait toujours du même côté ces gros flocons qui dansaient sur l'herbe quelque temps, puis se dispersaient. Frédéric, seul sur sa banquette, regardait cela, par ennui, perdu dans cette langueur que donne l'excès même de l'impatience. Mais des grues, des magasins parurent. C'était Creil. La ville, construite au versant de deux collines basses, dont la première est nue et la seconde couronnée par un bois, avec la tour de son église, ses maisons inégales et son pont de pierre, lui semblait avoir quelque chose de gai, de discret et de bon. Un grand bateau plat descendait au fil de l'eau qui clapotait, fouetté par le vent. Des poules, au pied du calvaire, picoraient dans la paille. Une femme passa, portant du linge mouillé sur la tête. Après le pont, il se trouva dans une île, où l'on voit sur la droite les ruines d'une abbaye. Un moulin tournait, barrant dans toute sa largeur le second bras de l'Oise que surplombe la manufacture. L'importance de cette construction étonna grandement Frédéric. Il en conçut plus de respect pour Arnoux. 3 pas plus loin, il prit une ruelle, terminée au fond par une grille.